La foi des hommes par Jack London. Nous allons tirer au sort. Entendu. Et l'un des hommes, se tournant vers un Indien qui raccommodait dans un coin une paire de raquettes de neige, dit « Madame, lui dit-il, courez jusqu'à la cabine de Olson et demandez-lui de nous prêter ses dés. » Cette requête bizarre, si peu en rapport avec l'entretien qui l'avait précédé et qui roulait sur les gages des ouvriers, les bois, la nourriture, surprit Bibedam, car la journée n'était pas avancée et des hommes de la condition de Penfield et de Hutchinson ne jouaient jamais au dé qu'après avoir fini leur travail. Mais il resta impassible, comme il sait un Indien du Yukon, et sortit en enfilant ses mitaines. Quoiqu'il fût près de 8 heures, il faisait encore sombre dehors, et la cabine n'était éclairée que par une chandelle fichée dans le goulot d'une bouteille vide, qui reposait sur une table de sapin encombrée d'assiettes sales en étain. Le suif d'innombrables chandelles avait dégoutté le long de la bouteille et lui donnait l'aspect d'un glacier en miniature. La petite chambre qui forma elle seule la cabine tout entière était aussi encombrée que la table. Le fond n'était occupé par 2 couchettes superposées, dont les couvertures en désordre attestaient que leurs occupants venaient seulement de les quitter. Lawrence Penfield et Corey Hutchinson étaient des millionnaires, mais leur aspect, on les aurait plutôt pris pour des bûcherons. Autour de leur cabine s'ouvraient des trous où des hommes, au prix de 15 $ par jour, grattaient du gravier, de la boue et de l'or. Chaque jour, les treuils remontaient ainsi du fond du sol des milliers de dollars qui enrichissaient Penfield et Hutchinson et les mettaient au rang des nababs de Bonanza. Penfield, après le départ de Bibedam, empila les assiettes sales posées sur la table et dans l'espace ainsi rendu libre, se mit à tapoter une marche avec ses doigts, tandis que Hutchinson mouchait la chandelle fumeuse. « Je donnerais une grosse somme pour qu'il nous fût possible de partir ensemble, » dit-il brusquement. « Cela arrangerait tout. » Penfield regarda avec exaspération. « Si ce n'était votre maudite obstination, tout serait arrangé. Vous n'avez qu'à partir. Je m'occuperai de tout. L'année prochaine, je pourrai m'en aller à mon tour. Pourquoi partirais-je? Personne ne m'attend comme vous. Votre famille ?» interrompit brusquement Penfield. « Et la vôtre ?» continua Hutchinson. « Mais vous savez bien que vous avez une fiancée et que je n'en ai pas. » Penfield haussa les épaules. « Elle peut attendre, je suppose. Mais elle a déjà attendu 2 ans. Une autre année ne la changera pas davantage. Cela ferait 3 ans. Pensez-y, mon vieux camarade, 3 ans, dans cet enfer, dans ce trou abandonné de Dieu et des hommes. » Et Hutchinson levait les bras au ciel d'un air désespéré. Il semblait un peu plus jeune que son associé et pouvait avoir 26 ans. Sa figure, comme celle de Penfield, exprimait un désir ardent et inassouvi. « J'ai rêvé hier soir que j'étais au restaurant, » reprit-il. « J'entendais la musique, le bruit des voix, les rires des femmes, et je commandais des œufs, oui, des œufs frits, bouillis, pochés, brouillés, de toute espèce, et je les avalais aussitôt servis. »« J'aurais plutôt commandé de la salade et des légumes verts, » critiqua Hutchinson, « avec du bon porteur et des oignons, et de ces radis tendres qui croquent sous la dent. » C'est aussi sans doute ce que j'aurais pris après mes œufs si je ne m'étais réveillé, reprit Penfield. Il ramassa sur le sol un vieux banjo aux cordes usées et lui fit rendre quelques sons. Hutchinson frissonna et soupira, puis interrompant l'autre, qui commençait une valse entraînante. Taisez-vous, cela me rend fou. Je ne peux plus supporter cet air. Penfield jeta le banjo sur un coffre et récita les vers suivants. Entendez-moi répéter ce que le plus faible ne saurait avouer. Je suis à la fois souvenir et tourment. Je suis le monde, je suis tout ce qu'a porté un habit du soir. » Son compagnon laissa tomber sa tête sur la table. Penfield revint à son occupation précédente et monotone en exécutant avec ses doigts des roulements sur la table. Un craquement de la porte attira son attention. Le froid pénétrait en ondes blanches dans la cabane et il se mit à fredonner. Les troupeaux sont rentrés, les branches sont dénudées. Le saumon a repris la mer. Que je voudrais, ô ma beauté, abriter mon cœur près du tien. Puis le silence reprit. Il ne fut interrompu que par l'arrivée de Bibedam qui jeta le cornet et les dés sur la table. « Moi, très froid, » dit-il. « Olson a parlé pour moi. Dix yeux congelés hier soir. »« Entendez-vous, camarade ?» cria Penfield en frappant sur l'épaule de Hutchinson. « Celui qui gagnera pourra prendre dès demain matin le chemin béni du retour. » Il ramassa le cornet et secoua les dés avec énergie. « Comment jouons-nous ? » « Les numéros du poker, » répondit Hutchinson. « Allons, jetez le premier. » Penfield éclata toute la vaisselle en roulant les 5 dés. Les 2 hommes se penchèrent sur la table. Les dés marquaient 5 sans une paire. « Rien du tout, » grommela Penfield. Après avoir hésité, il ramassa les 5 dés et les remit dans le cornet. « Si j'étais de vous, Je les remuerai bien, hasarda Hutchinson. Après quelques coups à peu près semblables, qui faisaient chaque fois palpiter le cœur des hommes, Penfield jeta brusquement les dés. 3-5 apparurent, et au second coup, un quatrième s'y ajouta. Hutchinson semblait avoir perdu tout espoir. 3-6 récompensèrent son premier coup et lui rendirent un entrain que l'autre semblait perdre. Il avait encore un coup à jouer. Un autre 6 à tourner, et c'était la mer et les États-Unis. Il secoua les dés, parut vouloir les jeter, hésita, et recommença à les secouer. « Allez donc, n'y passez pas toute la nuit !» cria Penfield, dont les ongles blanchissaient à se crisper sur la table. Les dés roulèrent, offrant leur regard un 6 que les deux hommes contemplaient en silence. Hutchinson eut un rire nerveux et lança un regard furtif à son associé qui serra les lèvres avec un sang-froid affecté. Il était, dans le cas présent, aussi difficile de perdre que de gagner. Penfield se leva, se dirigea vers son associé. « Ne parlez pas, Corey, lui dit-il avec brusquerie. « Je sais tout ce que vous allez me dire. Vous préférez rester, me laisser partir et bien d'autres choses, mais c'est inutile. Vous avez votre propre famille à voir à Détroit et cela suffit. D'ailleurs, vous pouvez faire pour moi la seule chose qui m'aurait forcé à partir. « Laquelle ?» interrogea Hutchinson, dont les yeux exprimaient une pensée que Penfield lut sans peine. « Vous avez deviné. Vous pouvez m'amener ma fiancée. Et alors nous nous marierons à Dawson, au lieu de le faire à San Francisco. « Mais voyons, » protesta Hutchinson, « comment puis-je l'amener ?» Nous ne sommes pas frères et sœurs que je sache, et je ne l'ai jamais vu. Il n'est guère convenable que nous voyagions ensemble. Vous n'en seriez point choqué, vous, je le sais bien, mais d'autres pourraient s'en étonner. Penfield se récria, mais son associé continua. Si vous voulez bien agir simplement, vous verriez que le moyen de tout arranger serait de partir vous-même cette année, et l'an prochain, qui n'est pas si éloigné, je prendrai à mon tour mes vacances. Penfield, malgré la tentation, secoua la tête. Non, mon vieux. « Cela ne se peut pas. J'apprécie votre générosité, mais cela est impossible. J'aurais honte de moi à la pensée que vous trimez ici à ma place. » Une idée sembla le frapper tout à coup. Il se mit à fouiller au milieu des planches qui lui servaient de lit, jeta tout à terre dans sa précipitation, et finit par sortir de sa couchette un buvard et un crayon, puis, s'asseyant à la table, il écrivit avec rapidité. « Voici, » dit-il, en mettant la feuille dans la main de son associé. Vous n'avez qu'à remettre cela en main propre et tout ira bien. Hutchinson parcourut l'écrit et le posa sur la table. Comment savez-vous que son frère consentira à faire ce voyage? Demanda-t-il. Oh, il le fera pour moi et pour sa sœur, répliqua Penfield. C'est un novice, voyez-vous, et je n'oserais la confier à lui seul. Mais avec vous, le voyage sera facile et sans danger. Aussitôt que vous arriverez, vous irez la trouver et la préparer. Vous pourrez ensuite faire votre expédition dans l'Est, chez vos parents, et au printemps, son frère et elle seront prêts à repartir avec vous. Je sens que vous l'apprécierez dès que vous la verrez, et ceci vous la fera reconnaître facilement. » Et tout en parlant, il ouvrait le boîtier de sa montre et présentait à son associé la photographie d'une jeune fille que Corey Hutchinson regarda avec admiration. « Elle s'appelle Mabel, continua Penfield, et il est bon que vous puissiez retrouver sa maison. Aussitôt que vous atteindrez San Francisco, prenez une voiture et dites « Chez Holmes, Myrdon Avenue ». Je crois même que Myrdon Avenue est inutile, tout cocher saura où habite le juge Holmes. Et puis, continua Penfield après un silence, ce ne serait pas une mauvaise idée de me rapporter quelques petites choses. Nécessaire un homme marié dans son ménage, ajouta en riant Hutchinson. Penfield rit à son tour. Assurément, tels que serviettes, nappes, draps, tés d'oreiller, etc. Vous pourriez aussi joindre un joli service de porcelaine et envoyer le tout par le bateau à vapeur de la mer de Bering. Et que diriez-vous d'un piano? Hutchinson acquiesça de grand cœur. Sa répugnance avait disparu et il s'enthousiasmait pour sa mission. « Je vous jure, Lawrence, dit-il en se levant à la fin du conciliabule, que je vous ramènerai votre fiancée en pompe. Je ferai la cuisine et je m'occuperai des chiens et son frère n'aura qu'à la soigner et à supplier à ce que j'aurais oublié. Et j'oublierai d'entremont peu de choses, je vous en donne ma parole. » Le jour suivant, Lawrence Penfield serra la main de son associé et le regarda monter avec ses chiens le cours gelé du Yukon, dans la direction de la mer et de la civilisation. Puis le solitaire revint à sa cabine et se mit en devoir de passer sans ennui le long hiver. L'ouvrage ne manquait pas. Il fallait surveiller les hommes, diriger les opérations d'extraction du minerai capricieux, mais tout lui semblait dépourvu d'intérêt. Le goût du travail le revint lorsque, derrière la mine, on vit s'élever une superbe habitation, construite en troncs d'arbres et divisée en trois chambres confortables. Chaque pièce de bois fut taillée et équarrie à la main. Fantaisie dispendieuse, lorsque les bûcherons reçoivent 15 $ par jour. Mais rien ne coûte à Penfield pour embellir la maison destinée à recevoir Mabel Holmes. Il circulait autour de la nouvelle habitation en chantant « Oh, ma beauté, que je voudrais vivre avec toi !» Il avait accroché au mur un calendrier, et son premier acte, chaque matin, était d'en effacer un jour, et de calculer le temps qui le séparait de l'époque du retour de son associé. Une autre de ses idées était de ne permettre à personne d'occuper la cabine nouvellement construite. Il la voulait vierge pour l'arrivée de sa fiancée, et dès qu'elle fut terminée, il en verrouilla la porte afin d'être seul à y pénétrer. Il y passait de longues heures et en sortait les traits illuminés d'une joie douce et pénétrante. Il reçut en décembre une lettre de Corey Hutchinson qui venait de voir Mabel Holmes et lui trouvait toutes les qualités nécessaires à la femme de Lawrence Penfield, dont le sang s'échauffa à lire les lignes de son correspondant. D'autres missives suivirent, il en arriva même 2 ou 3 par courrier. Tout était dans le même ton. Corey revenait de Myerdon Avenue, il y allait où il y habitait. Penfield trouvait que son associé s'attardait à San Francisco et ne parlait plus de son voyage à Détroit. Il s'en tourmentait fort peu, car il connaissait trop bien Mabel et Corey. De notre côté, les lettres de Mabel étaient pleines de Corey, mais elles exprimaient aussi une certaine répugnance à entreprendre, dans les glaces, ce voyage qui devait aboutir à un mariage à Dawson. Penfield répondait gaiement, plaisantant de ses frayeurs qu'il attribuait à la peur physique du danger et des privations plutôt qu'à la réserve d'une jeune fille. Le long hiver et cette attente énervante, succédant aux 2 hivers précédents, commencèrent à éprouver le solitaire. La surveillance des hommes, non plus que les obligations de la paye, ne suffisait plus à l'occuper. À la fin de janvier, il fit de fréquents voyages à Dawson pour oublier les préoccupations dans l'excitation du jeu. Comme la perte lui était indifférente, il gagna, et la veine de Penfield devint une expression proverbiale. Ce succès le suivit jusqu'à la seconde semaine de février. Peut-être aurait-il continué, mais, après un coup énorme, il cessa de jouer. Cet événement se produisit dans la maison de jeu appelée l'Opéra. Depuis plus d'une heure, il semblait que Lawrence ne pût ponter sur une carte sans que celle-ci passât. Profitant d'un instant de répit à la fin de la partie, tandis que le banquier battait les cartes, le tenancier de l'établissement, Nick Inwood, dit tout à coup à Penfield « Dites donc, Penfield, je vois que votre associé ne se refuse rien. » « Fiez-vous à Corey pour se donner du bon temps, » répondit Penfield, « surtout quand il l'a gagné. »« Chacun son goût, » ricana McEnwood, « mais je ne trouve pas que le mariage soit du bon temps. »« Corey marié ?» s'écria Penfield, incrédule et surpris. « C'est sûr, » dit Inwood, « je l'ai lu dans le journal de San Francisco, arrivé ce matin par la glace. »« Eh bien, qui est la jeune personne ?» demanda Penfield d'un air narquois. Inwood tira le journal de sa poche et le parcourut tout en disant « Je n'ai pas très bonne mémoire pour les noms, mais il me semble que c'est quelque chose comme Mabel. Mabel. Ah, voilà, Mabel Holmes, fille du juge Holmes. » Lawrence ne broncha pas, surpris que ce nom fût connu des gens du Nord. Il regarda les visages qui l'entouraient pour démêler le sens de cette plaisanterie, mais il n'y trouva que les marques d'une honnête curiosité. Il se tourna alors vers le croupier et lui dit d'un ton froid. « Inwood, je parie les 500 $ que j'ai là qu'il n'y a rien de tel dans le journal. » Le joueur le regarda avec une stupéfaction railleuse. « Taisez-vous, enfant. Je ne voudrais pas gagner si facilement votre argent. »« C'est ce que je pensais, » repartit Penfield avec mépris, et il revint à la table de jeu. Nick Inwood rougit et relut avec grand soin une colonne du journal, puis il se dirigea vers l'incrédule. « Écoutez, Penfield, je ne peux pas laisser passer cela, vous savez. »« Quoi ?» demanda l'autre sèchement. « Vous semblez m'accuser d'avoir menti. »« Pas du tout. Je laissais entendre simplement que vous tentiez de vous réjouir grossièrement à mes dépens. » « Faites vos jeux, messieurs !» crie le banquier. « Mais je vous affirme que c'est vrai !» persista Nick Inwood. « Et ces 500 $ affirment le contraire !» répliqua Penfield en jetant sur la table un lourd sac de poudre d'or. « Je regrette de prendre votre argent !» reprit Inwood en lui mettant le journal dans la main. Après avoir examiné le nom de la feuille qui venait de San Francisco, Penfield lut sans bien comprendre tout d'abord le titre de l'article. « Le jeune Lorinvar est venu du Nord. » Puis il le parcourut d'un rapide coup d'œil qui se fixa sur les noms réunis de Mabel Holmes et de Corey Hutchinson. « L'argent est à vous, Inwood, » dit-il avec un rire sec. « On ne peut pas savoir jusqu'où va mon associé quand il est en liberté. » Puis il relut mot à mot, lentement et soigneusement, l'article qui ne laissait subsister aucun doute. Corey Hutchinson avait épousé Mabel Holmes. L'article débutait ainsi. un des rois de Bonanza, associé de Lawrence Penfield, que la société de San Francisco n'a pas oublié, et qui possède avec celui-ci d'autres riches propriétés au Klondike, puis il se terminait par ces lignes. On raconte tout bas que M. et Mme Hutchinson, après un petit voyage à Détroit, iront passer leur lune de miel dans le pays du Klondike. « Je reviens tout de suite. Gardez-moi ma place, » dit Penfield en se levant et en prenant son sac d'or allégé de $500. Il alla acheter dans la rue un journal de Seattle qui contenait les mêmes faits plus condensés. Corey et Mabel étaient indubitablement mariés. Penfield revint à l'opéra et reprit sa place à la table en demandant à élever le maximum des enjeux. « Vous voulez vous refaire ?» ricana Kindwood en faisant un signe d'assentiment au croupier. « Je descendais jusqu'au store, mais je préfère rester et voir jouer votre batou. » 2 heures plus tard, le directeur, après avoir allumé un nouveau cigare, déclarait que la banque avait sauté. Penfield venait de gagner $40,000. Il serra la main de Nick Kindwood, déclara que c'était la dernière fois qu'il jouait ainsi, et regagna son logis sans que personne eût deviné sa souffrance. Aucun changement apparent ne se produisit dans ses manières d'être, et pendant une semaine, il s'occupa de son travail comme d'habitude. À la suite d'un article du journal de Portland qui confirmait le mariage, il prit un ami de s'occuper de l'extraction du minerai et partit avec ses chiens pour le Yukon. Il suivit la piste de Saltwater jusqu'à celle de White River, dans laquelle il tourna. 5 jours plus tard, il atteignit un camp d'Indiens. Le soir même de son arrivée, il assista à une fête dans le camp assis aux côtés du chef, et le lendemain, il reprenait la route du Yukon. Mais il était accompagné cette fois d'une jeune squaw qui l'aidait à nourrir ses chiens et à dresser le camp. Elle s'appelait Lashka et boitait légèrement depuis son enfance à la suite d'une blessure que lui avait faite un ours. Elle se montra d'abord très farouche avec l'homme blanc surgi de l'inconnu qu'il avait épousé sans un regard ou une parole et l'entraînait à présent vers ce même inconnu. Mais le sort de Lashka fut plus heureux que celui de bien des Indiennes qui épousent des Blancs au pays du Nord. Dès leur arrivée à Dawson, le mariage barbare qui unissait les deux époux fut célébré à nouveau, devant un prêtre, suivant les rites des Blancs. De Dawson, qui l'émerveilla, la jeune femme fut amenée à la mine de Bonanza et installée dans la cabine bâtie sur la colline. Le mariage de Lawrence avec une Indienne causa moins d'étonnement dans son entourage que la sanction légale qu'il lui donna. Mais personne n'osa lui en parler. Tant que les actions d'un homme ne nuisaient pas à l'intérêt commun, la société lui laissait toute liberté, et nul ne songea à exclure Penfield des cabines où régnaient des épouses blanches. La cérémonie du mariage l'absolvait de tout reproche d'immoralité. Seuls quelques hommes contestèrent son goût en matière de beauté féminine. Aucun courrier de l'extérieur n'était arrivé depuis longtemps, 6 convois de la poste étant perdus dans la rivière de Big Salmon. Du reste, Penfield ne comptait sur aucune nouvelle de Corey et de sa femme, qui devait être en route pour ce voyage de noces dont il avait lui-même rêvé pendant si longtemps. À cette pensée, sa lèvre se plissait d'amertume, mais il ne traduisait ses sentiments au dehors qu'en témoignant plus de bonté à Lashka. Mars s'était écoulé et avril touchait à sa fin. Lorsqu'un matin de printemps, la jeune femme demanda à son mari la permission de descendre la rivière pendant quelques milles jusqu'à la case de Siwash Pete. La femme de Pete, originaire de Stewart River, lui avait fait dire que son jeune fils n'allait pas bien, et Lashka, qui adorait les enfants et se considérait comme très au courant des troubles qui les atteignent, ne perdait aucune occasion de soigner les petits malades. On harnacha les chiens et le couple suivit le lit gelé du torrent de Bonanza. On sentait le printemps dans l'air, le froid était moins âpre, et quoiqu'il y eût encore de la neige, le murmure souterrain de l'eau indiquait un adoucissement de la température. La glace commençait à fondre, des trous béants s'y étaient produits, et il avait fallu frayer une nouvelle piste pour les contourner. Dans un de ces passages, trop étroit pour permettre à 2 traîneaux de se croiser, Penfield entendit de l'autre côté du rocher un bruit de grelots et il arrêta ses chiens. Un attelage d'animaux fatigués apparut à l'étroit tournant, suivi d'un traîneau lourdement chargé. À la barre de direction, un homme se tenait dans une attitude que connaissait bien Penfield, et derrière le traîneau marchaient 2 femmes. Penfield se réjouit alors d'être accompagné de Lashka, car il avait reconnu Corey, et ne pouvait souhaiter un moment plus propice pour rencontrer son infidèle ami. C'était à lui-même d'attendre ses explications, car il n'avait de son côté rien à se reprocher. Lorsque les 2 traîneaux furent arrivés à hauteur l'un de l'autre, Corey reconnut son associé et arrêta ses chiens. « Comment allez-vous, mon vieux camarade ? » dit-il en lui tendant la main que Penfield prit silencieusement et froidement. Pendant ce temps, les deux femmes les avaient rejoints, et il reconnut Mabel Holmes et sa sœur Dora. Il retira sa casquette de fourrure et serra la main de celle-ci, puis il se tourna vers Mabel qui paraissait radieuse. Il se préparait à lui dire « Comment allez-vous, Mrs. Hutchinson ?» Mais ce nom sembla l'étrangler. Il se borna à sec « Comment allez-vous ?» en lui tendant la main, ce qui parut la surprendre. La situation était aussi gênante et embarrassée que Penfield pouvait le souhaiter. Mabel trahissait une émotion bien compréhensible, tandis que Dora, amenée là sans doute pour établir la paix, lui disait « Mais que se passe-t-il donc, Lawrence ?» Avant qu'il eût pu répondre, Cory l'avait saisi par le bras et l'avait attiré à l'écart. « Qu'est-ce que cette femme fait ici, mon vieux ? » demanda-t-il à voix basse en indiquant l'Ashka du coin de l'œil. « Permettez-moi de vous dire, Cory, que je ne vois pas en quoi cela peut vous intéresser, » répondit Penfield d'un ton railleur. « Mais, persista Cory, que fait cette squaw sur votre traîneau ? Comment voulez-vous que j'explique sa présence si vous ne me dites pas à qui elle appartient ou de qui elle est la squaw ?»« Eh bien, » dit Penfield, en laissant tomber le mot qui devait, pensait-il, le venger de l'affront subi, « elle est ma squaw, et s'appelle Mrs. Penfield. » Cory sursauta, mais déjà son associé l'avait quitté pour les rejoindre les deux femmes. Mabel, l'air assez troublé, se tenait à l'écart. Il se tourna vers Dora et lui dit d'un ton aimable « Vous n'avez pas été trop fatigué par la route ? Avez-vous eu de la peine à vous réchauffer la nuit ? Et comment Mrs. Hutchinson a-t-elle supporté le voyage ? » ajouta-t-il en regardant Mabel. « Oh, vieil idiot ! » cria Dora en le prenant par le bras. « Vous avez donc lu cet article stupide ? À voir vos façons bizarres, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose. »« Je ne comprends pas bien ?» bégaya Lawrence. L'erreur a été rectifiée dans le numéro suivant, mais nous supposions que vous l'eussiez vu. Tous les autres journaux étaient exacts, et il a fallu naturellement que vous vissiez cette misérable feuille. Un moment. Que voulez-vous dire ? Demanda Penfield, le cœur battant d'une grande frayeur, car il se sentait au bord d'un abîme. Et quand on a su, continua Dora avec volubilité, que ma belle et moi nous allions au Klondike, on a dit dans un journal que Myerdon Avenue serait fauterie. On a dit dans un journal que Myerdon Avenue serait fort triste sans nous. Mais alors ? Je suis Mrs. Hutchinson, cria Dora, et vous avez cru tout le temps que c'était ma belle ? Précisément, répliqua lentement Penfield. Mais je vois maintenant l'erreur. Le reporter a embrouillé les noms et les journaux de Portland et de Seattle l'ont fait de même. Il resta silencieux pendant une minute. Le visage de ma belle était tourné vers lui et il voyait briller une lueur d'attente. Cory semblait vivement intéressé par un de ses mocassins. Dora jetait des regards furtifs à l'Ashka, immobile sur le traîneau. Lawrence Penfield entrevit dans un éclair l'avenir qui l'attendait. Il se vit assis sur un traîneau aux côtés de l'Indienne infirme, puis il dit simplement, en regardant Mabel dans les yeux, « Je regrette beaucoup ce qui est arrivé. J'ai cru que vous aviez épousé Cory, et c'est Mrs. Penfield que j'emmène sur mon traîneau. » Mabel Holmes se retourna, chancelante, vers sa sœur, comme si toute la fatigue du voyage venait de la terrasser. Dora l'a pris par la taille. Cory Hutchinson semblait toujours absorbé par ses mocassins. Les regards de Penfield errèrent d'une figure à l'autre, puis il se tourna vers son traîneau. « Nous ne pouvons rester ici toute la journée avec ce bébé qui nous attend, » dit-il à l'Ashka. Le long fouet siffla, les chiens se remirent à tirer dans les harnais, et le traîneau s'ébranla. « Ah, dites donc, Cory, » cria Penfield, « occupez la vieille case. Elle n'a pas servi depuis quelque temps. J'en ai construit une autre sur la colline. » Ainsi s'achève La foi des hommes par Jack London.